RMC, 5 jours de Grand Prix. À chaque Grand Prix, les experts F1 de la Dream Team RMC. Salut à tous, merci d'être avec nous sur RMC, vous le savez, après chacun des Grands Prix du championnat du monde, eh bien il y a les experts le soir pour analyser, décortiquer, comprendre, vous expliquer ce qui s'est passé pendant ce premier Grand Prix de la saison, le tout bien évidemment avec Patrick Tambay. Salut Patrick. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Avec les joyeux drilles de l'autre bout du monde, avec Stéphane Sanson. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Et puis évidemment le bondissant Antoine Arlot qui a encore les yeux pleins de lumière après ce premier Grand Prix. Salut Antoine. Salut, salut messieurs. Alors, on va en venir tout de suite, on rentre dans le dur, comme on dit, avec Fernando Alonso qui remporte donc, Patrick, le premier Grand Prix sous les couleurs de Ferrari, le 22e de sa carrière. On l'a vu les larmes aux yeux quand même sur le podium. Oh, mais il y avait de quoi. Quelle émotion, que d'émotion, Jean-Luc. Mais oui. Écoute, franchement, un rêve de gosse qui se réalise. Première course pour Ferrari avec la combinaison rouge et première victoire. C'est vraiment le rêve absolu. Le rêve absolu, on va écouter justement tout de suite Fernando Alonso en conférence de presse juste après cette victoire formidable. Je le rappelle, la 22e de sa carrière, la première de la saison sous les couleurs de Ferrari, naturellement. C'est un jour très spécial pour moi de me retrouver déjà sur la plus haute marche du podium et puis au volant d'une Ferrari. Avec toute l'histoire qu'il y a derrière cette équipe, les espérances d'un pilote quand il conduit pour une Ferrari sont élevées. Et c'est la meilleure des manières pour commencer une relation professionnelle. On a travaillé très très dur tout l'hiver, on a fait d'excellents essais. On était bien préparé pour ce premier Grand Prix. Bon, rien n'est abouti encore, nous n'avons gagné que la première course de la saison. Mais c'est un résultat que tous les garçons à Maranello, tous ceux qui sont ici, qui ont travaillé jour et nuit, nous ont préparé une voiture formidable, fantastique, mérite. Pour tous les gens qui sont restés en Italie, pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont à Maranello, avec cet effort énorme qui a été réalisé, gagner la première, faire un doublé dès la première course, c'est un résultat très positif et on regarde les choses et l'avenir avec espoir. Alors Stéphane, tu connais Fernando Alonso depuis longtemps, tu l'as vu gagner de nombreuses courses, pour ne pas dire toutes ses courses. Oui. Effectivement, oui. Il y avait de l'explosion de joie lorsqu'il est monté sur le capot de sa monoplace en levant les yeux au ciel, d'autant que le roi Juan Carlos d'Espagne était là également, mais on sentait que c'était une jubilation intérieure. Vraiment, sur le podium, hein, c'était impressionnant. Oui, parce que je crois que Ferrari a vraiment une signification particulière pour Fernando. Michael Schumacher, il a toujours dit que lui, que ce soit Ferrari, Lotus, Mercedes ou autre chose, c'était pas un fan de l'histoire du sport automobile et il a fallu plusieurs années, et c'est presque sur la fin de la période de Schumacher chez Ferrari, qu'il s'est rendu compte vraiment du mythe et de l'histoire que représentait Ferrari. Alonso, dès qu'il a passé le portail de Maranello, il est rentré dans le trip, il a tout de suite compris ce que c'était que Ferrari. Quand il avait gagné ses deux titres de champion du monde avec Renault, il avait dit à son père, écoute papa, j'ai plus rien à faire en Formule 1, j'ai atteint mon rêve, je vais peut-être m'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? Et son père lui a dit non, il te reste une chose à faire, que tu sois champion ou pas, tu dois conduire pour Ferrari. Ah, et oui. Fernando à cette époque lui avait dit ouais, bah, attends, je vais conduire pour Ferrari, mais j'y arriverai jamais. Et finalement il y est. Première course en rouge, il gagne. Qui avait fait ça avant lui? Raikkonen en 2007 pour sa première course. Et avant, je crois qu'il faut revenir à Fangio pour voir quelqu'un triompher en rouge dès sa première participation avec l'équipe. C'était le 80e doublé, je crois, de Ferrari de son histoire. Et puis Ferrari qui se place vraiment en, pas forcément en situation de favori, on y reviendra, mais en tout cas qui confirme après deux saisons en enfer, 2008 et 2009. Et oui, Patrick, on l'a dit en direct, hein, bien sûr, triompher pour Ferrari une nouvelle fois, c'est quelque chose de particulièrement spécial quand on est sensible à l'histoire, encore une fois, de la Formule 1, et tu l'as vécu. Oui, et puis Fernando est un pilote latin, il parle très très bien italien, il a fait toutes ses classes en Italie en participant à toute la filière du karting, donc il a cette fibre italienne de la passion pour la Ferrari. Voilà. Oui, il la ressent, je crois, et cette passion pour la Ferrari, elle est mondiale. On la ressent partout dans tous les pays où le championnat du monde de Formule 1 se rend, et je crois qu'on va voir fleurir les drapeaux rouges Ferrari avec peut-être un peu de bleu et de jaune mélangés. Oui. Enfin, il va y avoir une vraie, je crois, fièvre Fernando Alonso à la Ferrari dorénavant. Un engouement, c'est évident. Alors Antoine, toi qui découvres sur le terrain ce championnat du monde de Formule 1, tes impressions justement sur cette victoire de Ferrari, sur cette équipe, Ferrari. Bah, c'était magnifique, et puis en plus c'est une équipe qui était attendue quand même. On en avait parlé dans Motors d'ailleurs la semaine d'avant. La semaine dernière, absolument. Exactement, donc tu vois, et c'était attendu. Et puis ce qui était énorme aussi, c'est en fait à la fin de la course, le dernier tour, on a pu approcher un peu vers le garage Ferrari, et cette explosion de joie de tous les mécaniciens, de tous les ingénieurs à l'arrivée d'Alonso, c'était beau à voir. Et puis aussi le public hein, qui est très, bah, comme partout je crois, qui est très partisans de Ferrari ici à Bahreïn, donc tout le monde était content finalement aujourd'hui. Allez, de l'émotion il y en avait pour la victoire de Fernando Alonso, il y en avait aussi beaucoup pour la deuxième place de Felipe Massa. Felipe Massa revenu de l'enfer après le terrible accident qu'il avait connu l'an dernier, on s'en souvient, en qualification du Grand Prix de Hongrie où un ressort était venu le frapper violemment à la tête. On écoute Felipe Massa après cette brillante deuxième place dans le sillage de Fernando Alonso, le tout traduit par Patrick Tambay. Well, first of all, I think it's just fantastic to be here. Tout d'abord, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. C'est formidable d'être là, compétitif avec une bonne voiture. Toute la course, j'ai eu une bonne cadence et je n'ai jamais baissé les bras. Je voudrais remercier Dieu pour m'avoir permis de revivre tout cela. Je voudrais remercier tout le monde. Toute l'équipe. J'ai reçu tellement de soutien de tous les pays du monde, tellement de lettres, tellement de messages chez moi que ça me remonte le moral. 16 secondes d'écart hein, sur l'arrivée entre Felipe Massa donc, et Fernando Alonso. Felipe Massa qui a laissé filer un petit peu Stéphane. À un moment, on l'a compris, quand Alonso est passé devant Vettel suite au problème qu'il a rencontré, on va y revenir naturellement, eh bien, Alonso a mis 3-4 tours très rapides et d'un seul coup, il a mis Massa à 6-7 secondes. Et là, Felipe a compris que ça n'était pas pour lui aujourd'hui, hein, Stéphane. Oui, on a compris aussi un petit peu après la course qui s'était passé chez Felipe. Felipe avait réussi à maintenir un écart d'une seconde 4, 2 secondes avec Alonso, puis d'un coup cet écart est passé à 8-9 secondes. Il ne pouvait pas répliquer quand Alonso passait dans la minute 59-58. On l'a compris plus tard pourquoi. En fait, il y avait un problème de légère surchauffe sur le moteur de la Ferrari. Et vous savez que le moteur Ferrari, lorsqu'il chauffe, l'un des moyens qu'on a trouvé pour le refroidir, c'est envoyer du carburant, de l'essence, sur les têtes de piston pour les refroidir. Le problème, c'est que quand on envoie du carburant, on consomme beaucoup plus. Et il y avait une réelle inquiétude visiblement dans le stand Ferrari sur les 20 derniers tours en disant à Felipe, oups, fais attention. Si le moteur continue à chauffer et si on doit le refroidir de cette manière-là, on n'est pas certain de voir l'arrivée. C'est la raison pour laquelle, quand Fernando a lui commencé à faire parler les chevaux et à tourner dans la minute 58, Felipe lui restait derrière en 2-0, 2-0-1, parce qu'il savait que s'il haussait la cadence, il y avait peut-être peu de chances pour qu'il voie ce drapeau à damier. Oui, effectivement. Et puis il devait suivre les indications de son ingénieur. On va dire que c'était une belle manière aussi, peut-être, de faire en sorte que les deux Ferrari terminent triomphalement cette arrivée. Je me permets de le dire. Ça peut être une solution. Alors, il faut un troisième, évidemment, derrière les deux hommes en rouge. Ce troisième, Patrick, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, le champion du monde 2008. Alors, lui aussi, dit à l'arrivée, semble dire en tout cas, et nous allons l'écouter maintenant dans ta voix, que finalement, il ne s'attendait pas forcément à terminer sur le podium de ce Grand Prix de Bahreïn pour l'ouverture, tant le gap de performance était important, en tout cas avec le poleman. On va écouter tout de suite Lewis Hamilton. Je voudrais tout d'abord féliciter Fernando et Felipe. C'est formidable de les retrouver là, en grande forme tous les deux. Pour nous, malheureusement, j'ai perdu un petit peu de terrain dans le virage 4. J'ai été forcé un petit peu sur l'extérieur. Je me suis retrouvé dans une position délicate et je me suis fait dépasser par Rosberg. Après, j'ai été retenu par son rythme. J'aurais pu aller beaucoup plus vite, je pense, mais ici, c'est très, très difficile d'être dans le sillage. Il faut aussi préserver ses pneus. Je pense que si je m'étais retrouvé devant lui, j'aurais pu rester accroché au train de pilotes qui était devant. Mais néanmoins, je suis content. J'ai finalement réussi à le doubler. C'est probablement un résultat qui est plus probant que ce que nous pensions obtenir. Maintenant, nous devons développer et attaquer pour rester au contact des autres. Stéphane, une troisième place donc pour une McLaren-Mercedes. On l'a dit, le champion du monde 2008. Alors l'autre, hein, le champion du monde 2009, lui, il est beaucoup plus loin. Jenson Button, après une course un petit peu en demi-teinte, qui termine à 22 secondes de son équipier. C'est un peu l'histoire de la coupe à moitié pleine ou à moitié vide. Hein. Oui, Jenson Button qui, pour se donner bonne conscience ou se justifier, dit qu'il a peut-être fait un petit peu trop attention à ses pneus, etc. Ouais, il a mangé, c'est ça la réalité. C'est qu'il s'est fait un petit peu coiffer par Lewis Hamilton, ce qui était un petit peu attendu. Il y a deux choses pour expliquer la réponse d'Hamilton aux questions des journalistes. Un, oui, il est surpris d'être sur le podium, mais c'est vrai que si Vettel n'avait pas connu de problème, on en parlera plus tard, le podium, il n'était pas pour lui. Et puis après, c'est vrai que cette McLaren, elle est beaucoup plus compétitive en version course, quand elle a le plein d'essence et qu'elle doit partir pour les 300 km, qu'en version de qualif. Et ce sera l'un des aspects sur lesquels McLaren est déjà en train de travailler, essayer de rendre cette voiture plus rapide en qualification, parce que si on s'élance de très loin, on ne peut pas viser la victoire, évidemment. Surtout, on l'a vu aujourd'hui avec le nouveau règlement. Alors, Lewis Hamilton, donc troisième au terme des 49 tours. Il met 15 points dans sa besace et dans celle de McLaren-Mercedes. Jenson Button lui termine septième. Il met 6 points. Total, vous avez compris, 21. On est quand même loin du doublé de Ferrari, 43 points. Et oui, il va falloir s'habituer à cette nouvelle manière de comptabiliser les points. Ça fait gros, ça fait lourd. Alors Antoine, une petite question. Mon Antoine, parle-moi de Michael Schumacher, ce dévastateur septuple champion du monde qui termine, ma foi, moi je trouve plutôt bien ce Grand Prix. Évidemment, il est derrière son équipier Nico Rosberg, mais il est sixième. Oui, il est derrière, bon, comme hier dans les qualifs. Est-ce que c'est étonnant, ça aussi on en avait parlé, c'est quand même sa reprise en course. Il y a des choses qu'il faut peut-être intégrer qui sont pas forcément les mêmes que qu'il y a 3 ans. C'est quand même une belle performance de la part de Michael Schumacher de prendre cette sixième place. On écoute tout de suite Michael Schumacher, justement, qui parle aussi de stratégie, vous allez le voir, compte tenu de la nouvelle réglementation qui interdit bien sûr les ravitaillements en course. Il fallait faire un bon départ, prendre son rythme, éviter de faire des fautes. Dépasser sur ce circuit, c'est quasiment impossible. Nico, lui, a réussi à dépasser, mais c'était vraiment dur. C'est comme ça, c'est le genre de situation que l'on va connaître toute la saison avec la nouvelle réglementation. En tout cas, je me suis amusé, surtout au début de la course. Nous allons continuer à travailler pour rattraper ceux qui sont devant nous. Voilà, donc c'était Michael Schumacher avec une traduction de Charles Carrasco. Et c'était au micro d'Antoine, bien sûr. Patrick, là aussi, du côté de Michael Schumacher, sûrement un petit peu déçu d'être derrière son équipier Nico Rosberg. Mais un Grand Prix solide, il n'a pas démérité. Oui, avec une Mercedes Grand Prix, ex-Brand Grand Prix, dominatrice la saison dernière, peut-être un petit peu moins performante cette année. Je crois que Michael Schumacher s'en est rapidement rendu compte lors des essais hivernaux. Il a aussi vu que Nico Rosberg, son coéquipier, avait une pointe de vitesse importante, qu'il lui fallait et qu'il lui faudrait augmenter son rythme. Bon, c'est une reprise, c'est une prise de contact de nouveau après 3 ans d'abstinence de la Formule 1, lui donnant un petit peu le temps, mais enfin une sixième place pour un retour, c'est très très honorable. Alors, on a sauté l'homme fort du début des 35 premiers tours, Stéphane, de ce Grand Prix. Le poleman, c'est Sébastien Vettel qui termine finalement quatrième, terriblement déçu lui aussi, Vettel, suite à un problème technique sur sa Red Bull Renault. Oui, c'est le deuxième homme de la course finalement. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Alonso, première victoire pour sa première participation avec Ferrari. Il faut aussi parler de Vettel, auteur de la pole position, tu l'as dit. Pas dominateur, mais clairement au commandement et contrôlant sa course jusqu'à la mi-course à peu près. Et puis, un souci sur l'échappement, un échappement qui casse, la voiture qui perd immédiatement une centaine de chevaux visiblement. Ça se traduit tout de suite par 2-3 secondes autour de pénalité. Et il a vraiment fait étalage de tout son talent pour limiter la casse puisqu'il était en tête, il finit quatrième. Il a vraiment défendu bec et ongle cette position. Il était, mais je peux vous dire, dépité à la fin de la course. Il tapait dans tout ce qui passait à côté de lui. Pas les journalistes, heureusement, mais en tout cas sur les rails de sécurité et les tables du motorhome. Un Vettel extrêmement déçu ce soir. Oui, il y a de quoi être dépité, alors que son équipier Marc Webber, qui était beaucoup moins bien qualifié que lui, eh bien, a fait le boulot. Il termine 8e et dernier, je dirais, de la bande des 4 grosses écuries, bien sûr. Et vous l'avez compris, au championnat, eh bien, Ferrari 43 points, McLaren, je vous l'ai dit, 21. Mercedes Grand Prix 18 et Red Bull en totalise 16, dont 12 qui reviennent précisément, on l'a dit, à Sébastien Vettel. Alors, je sais que le cinquième, tout le monde l'aime bien ici, d'autant qu'il va nous raconter sa course en français. Il s'agit, mais oui, de Nico Rosberg, le jeune pilote allemand qui termine brillamment sous ses nouvelles couleurs Mercedes au cinquième rang. On l'écoute. C'est un bon début, hein, parce que sûrement nous allons progresser fort, je suis sûr. Donc c'est un bon début, 5e au championnat du monde, et je pense qu'on va être sur le podium très bientôt. Pour moi, ça me semblait que je roulais pendant 24 heures. Ça ne s'arrêtait plus, la course. C'était vachement long. Hein. Faut voir hein, si c'était un bon changement de règles ou si bien il faut retourner au vieux. Faut attendre. Il est marrant. Ça commence, hein, les réactions sur le changement de règle et cette réglementation. Hein. Retourner au vieux, il parle de la réglementation, hein, il parle pas de Michael ouais. Schumacher. Pas son coéquipier. Non, ouais. Voilà, j'allais pas la louper celle-là. Stéphane, juste un mot sur Nico Rosberg. Lui fait un très beau Grand Prix. Hein, avec le matériel dont il dispose, là, il en tire, on peut dire, le meilleur. Oui, il fait le boulot avec une voiture qui, Rosberg nous l'a encore dit sur la grille, n'est pas encore au niveau que veut Mercedes GP. Une voiture très très survireuse, on est déjà en train de voir de quelle manière on peut corriger le problème. C'est un peu l'inverse de la McLaren, c'est-à-dire qu'elle est très compétitive ou raisonnablement compétitive en qualification et elle perd de la performance en configuration course, cette Mercedes. En tout cas, Nico Rosberg, oui, qui fait le job. Pour l'honneur, Michael Schumacher termine devant Rosberg sur les meilleurs tours en course pour quelques millièmes de secondes. C'est un truc que Schumacher n'a pas manqué de nous faire remarquer. Puis un dernier truc, c'est que Schumacher partage l'opinion de Nico Rosberg. Il nous a dit, quand les micros étaient coupés, je me suis éclaté. Mais alors, qu'est-ce que c'était chiant. Voilà. Oui, mais hormis l'aspect de transporter les machines à ravitaillement, je regrette. Bon, la problématique des pneumatiques, elle reste la même, quelle que soit la situation. Plein d'essence, moins d'essence à bord. Ça reste la même délicatesse au niveau stratégie des pneumatiques. Mais au niveau stratégie de quantité d'essence, de consommation, de quantité de ravitaillement, c'est beaucoup moins pointu, moins, et moins sportif pour les pilotes. Parce que là, on part sur une stratégie d'économie de pneumatiques. Alors qu'avant, on attaquait du début à la fin en fonction des différents stints. Ça c'est mon point de vue personnel. Ça tient aussi peut-être aussi au profil du circuit qu'on a utilisé pour l'ouverture du championnat. C'est vrai que Bahreïn, c'est rarement un circuit qui offre des courses très disputées et très sexy. Peut-être qu'à Melbourne, dans 15 jours, qui est un circuit moitié urbain, moitié naturel, avec des feuilles, des murs très proches, on va trouver une configuration, une physionomie de course complètement différente. Allez, je vous propose d'écouter au micro d'Antoine Arlot, toujours Jenson Button. Alors anonyme, hein, 7e, derrière Michael Schumacher et devant Mark Webber. Il se rattrape sur le fait qu'on a une bonne voiture. Écoutons Jenson Button. Très bonne voiture. Lewis a fait du super boulot aujourd'hui en faisant un podium. Je suis content de ce qu'on a fait aujourd'hui et tout le week-end. Et je pense qu'on a montré que l'équipe a fait un super travail. Les aérostands se sont très bien passés. Nous avons tous les deux réussi nos arrêts. Donc oui, je suis content par rapport à cela. Mais pour aller chercher les Ferrari, j'ai encore besoin de m'améliorer. Alors évidemment, c'était Jenson Button, on l'a dit, qui termine 7e devant l'autre parmi la bande des 4, encore une fois, représentant de l'équipe Red Bull Renault, Mark Webber. On trouve vite Antonio Liuzzi au 9e rang, Rubens Barrichello pour la Williams au 10e. Et je vous propose de faire un petit peu un saut dans le classement et vous allez voir, malgré tout, on est content. C'est Jarno Trulli, bien sûr. Jarno qui termine 16e pour cette équipe Lotus Cosworth à un tour derrière son équipier Heikki Kovalainen, mais finalement il se console quand même. Jarno Trulli. Déjà terminé, c'était une bonne chose. Je pense qu'on a beaucoup appris. D'abord qu'on a encore des problèmes hydrauliques. Deuxième chose que la balance de la voiture était très souvirée au début et je m'attendais pas à ça. Et malheureusement pendant le week-end, j'ai pas assez tourné pour des problèmes. Donc oui, on a appris quelque chose, même à niveau électronique, boîte, on a tellement beaucoup de choses à apprendre qu'à chaque tour, chaque kilomètre qu'on fait, on peut améliorer. Alors on a appris pas mal de choses évidemment chez Lotus, on en a appris un peu moins ou beaucoup moins malheureusement pour les autres équipes, Virgin qui ne place aucun de ses pilotes à l'arrivée, c'est évidemment le cas aussi pour HRT, on s'est arrêté au 2e tour pour Shandok, au 19e pardon, pour Bruno Senna, on attendra évidemment l'Australie. Tout de suite, on va voir du côté de chez Renault comment ça s'est passé et je vous propose d'écouter justement au micro d'Antoine Robert Kubica, le pilote polonais de chez Renault qui n'est malheureusement après un problème, un gros tête à queue qui n'est pas parvenu à entrer dans les points, il termine 11e. Robert Kubica. Il y avait beaucoup de fumée au départ. Sutil ne voyait rien, il n'a pas pu m'éviter et il m'a heurté. Je n'ai donc pas pu défendre mes chances dans cette course. Et ensuite, j'ai dû faire rapidement un arrêt au stand car mes pneus étaient en train de surchauffer. J'ai essayé de faire un 360 pour me remettre dans l'axe, mais mes pneus étaient abîmés et ça s'est mis à surchauffer. J'ai donc été obligé de m'arrêter au tour 12 ou 13, je ne sais plus. Ensuite, mon challenge était simplement de remonter et de prendre des points. Et on le sent assez déçu, évidemment, c'est normal, hein, Robert Kubica, il pouvait espérer quand même prendre des points. Enfin, quand on regarde le classement, hein, Stéphane, on a compris que c'était pas mieux que les deux points de la 9e place. C'était impossible d'aller chercher Marc Weber, de toute façon. Oui, chez Renault, on pense que la 7e place était envisageable. Évidemment, avec Desi, c'est très facile de dire qu'on pouvait finir à cette position-là. Ce qui était plutôt encourageant pour Renault et Kubica l'a dit là, c'est vraiment une cadence en course qui était assez compétitive, avec une voiture visiblement très fine qui arrive à atteindre de bonnes vitesses de pointe. Et ça, c'est prometteur pour des circuits comme la Malaisie ou Barcelone, par exemple. Et puis le petit Petrov derrière a fait plus que participer à ce Grand Prix. Il était 11e au moment où sa suspension a lâché. Et c'est plutôt, je pense, un soulagement chez Renault, frustré de ne pas avoir marqué de points, pardon, oui. Mais plutôt soulagé de voir qu'on est là avec la voiture, visiblement, et pas un citron. Quoi. Bah tiens, on va écouter justement le team manager, le patron de cette équipe, le nouveau patron, Éric Boullier, au micro d'Antoine. Évidemment, on est tous déçus. La voiture et l'équipe ont montré un gros potentiel, en tout cas au début du week-end. Et on est extrêmement déçus de ne pas avoir pu le prouver sur la course. Alors maintenant c'est dans 15 jours, le Grand Prix en Australie. Sur quoi il va falloir travailler dans les prochains jours? Il va falloir déjà travailler sur comprendre la cause de l'abandon. On a, je crois, pas mal de data à éplucher et à comprendre pour s'améliorer toujours en termes de performance, de consommation d'essence et évidemment de dégradation de pneus. Et on a encore quelques petites améliorations en fait dès la prochaine course. Et voilà, on connaît le challenge de Renault, Antoine, hein, c'est de décrocher des points du côté de l'Australie, aux antipodes en tout cas, par rapport à l'Europe. Bah écoutez, messieurs, on a essayé d'être aussi complet, aussi rapide que possible, dans le temps qui nous était imparti, comme l'on dit. Vous n'avez plus qu'à plier les antennes, là, du côté du pays des mille et une nuits. Exactement. Bon, ça va prendre quelques minutes. Bon. C'est direction l'Australie maintenant, hein, déjà, oui. à l'autre bout du monde. Australie-Malaisie, et qui vont suivre à une semaine d'intervalle. Donc on respire pas 19 courses cette année, 19 rounds, et voilà, on sera avec vous. Et ça va être génial, on va se régaler. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Antoine, vous êtes bien défoncés. On fera mieux la prochaine fois, toujours pareil, c'est ce qu'il faut se dire, comme les pilotes de F1. Merci à tous les deux, en tout cas. Et bon retour les gars. Bon retour, merci beaucoup Patrick. Bonne soirée. On se donne rendez-vous déjà dans le Moscato Show, puisque demain évidemment on va revenir sur la Formule 1, revenir sur ce premier Grand Prix, revenir sur la victoire de Fernando Alonso et puis la performance de Michael Schumacher bien sûr. Et puis tout de suite, eh bien, sur RMC, vous le savez, soirée d'édition spéciale élection régionale présentée par Jean-Jacques Bourdin lui-même avec Christophe Jakubicin et tous les envoyés spéciaux de RMC partout dans les régions. Merci d'être avec nous et toujours la F1, vous le savez, c'est sur RMC, radio officielle de la Formule 1. Salut. Les experts F1 de la Dream Team RMC.